Et bonjour à tous et à toutes, bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Goodbye Kevin, la 314e sur Radio Campus Lille. On va commencer tout en douceur avec Biosphère, un Norvégien assez connu pour les amateurs d'ambiance, électro-ambiante. Il s'appelle Geert Jensen et on va écouter un extrait de son album The Pretty Field Forest, sorti il y a presque 10 ans, 2017. Et on va écouter le morceau Black Mesa. Et ensuite, juste après, ça sera Superpose, un peu une autre atmosphère, quoi, ça reste électro, un français cette fois-ci, qui était la moitié de Fakir. Et on écoutera le morceau Statue, issu de son album cinématographique électronique Siècle. Tout de suite, Biosphère avec Black Mesa pour Goodbye Kevin. Here in this desert, it's just the same thing over and over again. Desert, it's just the same thing over and over again. desert, it's just the same thing over and over again. Here in this desert, it's just the same thing over and over again. Et on poursuit avec Superpose et le morceau Status. Un de mes coups de cœur. Thank you. Et on poursuit dans cette ambiance, un peu électronique avec An Italian Weapons. Là, il y aura une dimension un peu plus dub pour ce grec Angelos Batas qui mélange musique folklorique un peu grecque et surtout beaucoup de musique électronique. On écoute Black Sea, issu de son projet Black Sea. Thank you. Après la Grèce, on part en Géorgie avec Anouchka Shkedze. Je ne sais pas si elle est vraiment à la Géorgie, puisqu'elle est basée, si elle est vraiment de Géorgie, puisqu'elle est basée à Utrecht, aux Pays-Bas. Et elle nous propose avec Los Lugange un son un peu des années 90, toujours électronique, un peu à la Aphex Twins. C'est très très chouette. Donc le morceau s'appelle également Los Lugange. Anouchka Shkedze. Thank you. On va partir sur des ambiances complètement différentes. On va aller dans le sud-ouest de l'Europe, vers l'Espagne et Toulouse, avec des deux groupes qui ont un peu des chants plutôt polyphoniques, avec Tartar Elena, un duo de Barcelone qui fait expérimentation et qui reprend des musiques, des chants de Méditerranée. Juste après, ce sera un peu la même recette avec Cocana et le morceau Kenson Oros. Bilbilico, sigasela rodeando por la plaza. Bilbilico, sigasela rodeando por la plaza. Si oyeras ya la flauta, el tambor y la mandolina, tañendo una melodía, celebrando una alegría. Es que llega armadas con victorias y con gracias, es que llegan las armadas con victorias y con gracias. Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin. Adelante va la hija del rey única y mancebica. Adelante va la hija del rey única y mancebica. Con un baile más hermoso que la rosa en el mes de mayo. Con un baile más hermoso que la rosa en el mes de mayo. Y el padre con tristeza acodraba la prometa que él hizo en la guerra, demandando a Dios fortaleza. El que me reciba primo te daré en sacrificio. El que me reciba primo te daré en sacrificio. Lo que a Dios es prometido hay que cumplir, padre mío. Solo dos meses te pido para llorar cerca del río. En el aire vuelan hierbos que contienen el destino. En el aire vuelan hierbos que contienen el destino. Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y Severin, Choxen y Severin. Que sonoros de Cocaña, tout de suite. Que su iru luar su cande visa, que su iru cau cafe patuzu. Que su iru luar su cande visa, que su iru cau cafe patuzu. Perdu irte en lugar su alado anda, perdu irte en yesu venyurarsin. Perdu irte en lugar su alado anda, perdu irte en yesu venyurarsin. Kesuiru lugar sukan devisa, kesuiru kau kafe patuzu. Kesuiru lugar sukan devisa, kesuiru kau kafe patuzu. Perdu yurten lugar su ala duana, perdu yurten gizu binyurar zin. Perdu yurten lugar su ala duana, perdu yurten gizu binyurar zin. Kesuiru lugar sukan devisa, kesuiru kau kafe patuzu. Kesuiru lugar sukan devisa, kesuiru kau kafe patuzu. Kesuiru lugar sukan devisa, kesuiru kau kafe patuzu. Kesuiru lugar sukan devisa, kesuiru kau kafe patuzu. Direction Londres avec le groupe Dry Cleaning et leur dernier album Secret Love produit par Kate Lebon. Et là on écoute Let Me Grow and You Will See the Fruit. By the balls of my feet, go somewhere, read something, go for a walk, listen to something. Mister, avec le morceau Broken Wings, tube des années 80. <t'-> don't understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last I fear, unless I make it all too clear. I need you so. Et on poursuit avec le groupe Officer Jones sur le label un peu mystérieux Wawa We Know. Avec le morceau Stay, il nous propose une Dream Pop Showgaze assez efficace. Pareil, coup de cœur cette semaine. Continue avec The New Eves qui viennent juste de signer chez Transgressive Records et qui ont sorti leur premier album en août. Quatuor de Brighton. Riding, riding, riding. voix un peu qui fait penser au Jefferson Airplane. Et là, hip-hop en approche avec les Quakers et Sampa the Grit avec le morceau Approach with Caution. We don't really care. Rumble in the jumble, we can rumble anywhere. Rumble anywhere. Scratching all the lines, changing all the times. Knocking off the boxes while we polishing our rhymes. Yeah, some guys should buckle up and approach with caution. We don't take it lightly who we pick for our supporting. We the type of she's who can follow and lead. We can build a business while we blowing off trees. Or the bee's knees, or the knees weak. Kill them with the dress, now the damsel in distress was found. Queen, siren goes sound, silent and loud. Simon says wow. We don't really care, hands in the air. This is how we kick it when we kick it over here. This is how we kick it when we kick it new year. How you doing? New phone, new heart, new hair. Dusting out the shoulder, be the mind controller. Be an individual or else they might control ya. Stepping on my own, building my own throne. I'm collecting all the paper for my kingdom back at home. What you wanna do? I said it all before. What you wanna see? I showed you all before. I shine my little light, I do it all the time. My kids will sing my praises when they speak about my life. But we don't really care. No we don't, no we don't, no we don't. We don't care. On va mettre un peu de dubstep avec un producteur anglais de Shoreditch, G-Beats et son morceau 333. Et juste après, ce sera D-Basement pour clôturer cette émission avec le morceau Aperol Spritz. G-Beats. Is activated. Tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick t Basement pour clôturer cette émission avec le morceau Aperol Spritz. Buy me a drink, Aperol Spritz. 1, 2, 3, out come my tits. 4, 5, 6, take a bump of hit. 8, 9, 10, I'm sucking dick. Hey, I really just can't complain. We're up all night and dance all day. I wanna see you shake to the 808. Up, down, left, right in my face. Buy me a drink, Aperol Spritz. 1, 2, 3, out come my tits. 4, 5, 6, take a bump of hit. 8, 9, 10, I'm sucking dick. Hey, I really just can't complain. We're up all night and dance all day. I wanna see you shake to the 808. Up, down, left, right in my face. 1, 2, 3. When you're typing your number, first put the country code. I don't remember your name and I'm new to this time zone. Just breathe through customs that I had a disorder and I tricked every little piggy that was at the door. Hikey, you don't want a bitch like me in your city. I'm finna rob a bank and buy all the dolls' titties. You can flirt me out, got my name all in your mouth. From Ibiza to Berlin, you know what we talking about. Buy me a drink, Aperol Spritz. 1, 2, 3, up come my tits. 4, 5, 6, take a bump of hit. 8, 9, 10, I'm sucking dick. Hey, I really just can't complain. We're up all night and dance all day. I wanna see you shake to the 808. Up, down, left, right in my face. 1, 2, 3, up come my tits. 4, 5, 6, take a bump of hit. 1, 2, 3, up come my tits. 4, 5, 6, I'm sucking dick. You went up, down, left. Up, down, left, right. Up, down, left, right. I'm sucking dick. Up, down, left, right. Up, down, left, right. Up, down, left, right. I'm sucking dick. Then throw it back, then throw it back, then throw it back and drop it. Throw it back, then throw it back, then throw it back and drop it. Throw it back, then throw it back, then throw it back and drop it. Drop it. Throw it back, then throw it back, then drop it. Drop it. Drop it. Buy me a drink. C'était Goodbye Kevin. Je vous dis à la semaine prochaine.